Moi, je pense qu'on devrait retourner en arrière. Pourquoi pas? Pour écouter à des moments, là, vraiment, je dirais, parfaits, là. Oh, tabarouette, tu te prends pas pour un deux de pique? Ben non, des moments de classe, de grande classe et d'humour. Ah ouais. Oui, grand humour. Tout ça est très sarcastique. Et voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 9 septembre 2013. C'est la première journée où je porte des pantalons aujourd'hui. Waouh! De l'automne. Puisque d'habitude, t'es en boxeur! Voilà. Si je regarde, si t'attends, toi, est-ce que tu portes des pantalons? Mais depuis quand tu portes des pantalons? Depuis que le monde est monde. Depuis que je suis tout jeune! Je me rappelle quand j'ai porté mes premiers pantalons. Ah. 7h47 du matin. Oui, ben oui. Si on était le soir, on serait vraiment mêlés. Je sais pas, il y a tellement de reprises, là, c'est fou, on sait plus qu'est-ce qu'il m'attend quand c'est le soir. Nouvelle porte-parole des petits Robert. C'était pas la même l'année passée, l'autre d'avant. Non. C'est toujours moi qui fais cette entrevue-là, donc je commence à les connaître personnellement. Sur le bout de ma... C'est ça. Si j'avais un dictionnaire pour trouver ces mots-là. Une petite pluie fine qui tombait par là. Je me suis acheté un petit poncho. Un poncho? Oui, à ce moment-là, les petits ponchos se vendaient comme des petits ponchos. C'est pas grand, mais le festival est partout dans Saint-Tite. C'est un Saint-Tite-Ville? Oui, Saint-Tite-Ville. Ah, et bonne aussi. Tu penses qu'il y a un petit rodéo, là, ça va être une petite salle, c'est juste à Saint-Tite. Non, c'est immense. L'arène qui est là-dessus, quand ça part, il y a des feux d'artifice. C'est vraiment... C'est big. Est-ce que t'es passé voir? Est-ce que t'es allé rodé autour? Rodé autour. J'ai pu me laisser aller dans la danse en ligne une fois. Ça, c'est que tu connectes sur ton modèle, ton modem 56 bits. Oui, exactement. Donc, danse en ligne. Danse en ligne. La bande. Femme qu'on vient d'entendre avec la couleur. Tu vois, c'est ça qu'on offre de plus à C'est Fou, c'est qu'on chante à la fin des chansons. C'est ça qui va nous rendre vraiment populaires. Oui, sur le top. L'émission matinale en pièces détachées, on s'en sert pas assez. C'est pourtant un slogan de la mort. Mm-hmm. Ça veut rien dire, mais c'est cute. Oui, c'est cute. C'est comme nous autres, on veut rien dire, mais on est cute. Je voulais pas le dire dans mon cas. Je trouve que ça marche pas, mais c'est pas grave. Ben oui. This Too Shall Pass Passion Pit Remix. Remix! Il y a un petit bout, j'étais pas là. Où parce que je suis allé moucher, puis la porte du studio était barrée. Ah! Je grattais comme un petit chat ou comme Dino d'un pierre à feu. Oui, c'est mais là, je te regardais, tu sais, j'écoutais ce que tu disais, puis là, j'essayais d'interagir tout seul. Et les gens dans le corridor me trouvaient vraiment bizarre. Je vais pas interrompre, t'as connu avec une blague. Gabriel Nadeau, qui a vieilli. Quasiment aussi vite qu'Obama. Gabriel Nadeau-Bama. Je savais pas comment placer. Gabriel Nadeau-Bama. Je savais vraiment pas comment placer. C'est tiré par les cheveux blancs. Bon! Tu vois? Voilà! Voilà. On peut choper ça, faire un meilleur moment. On a été invités au pré-lancement, si on veut, de l'album. Donc, non pas au pré-lancement, où je t'ai bâché sur ton divan. Non, c'est ça. Manoir Boucher, Denis Verville. Qui est situé au centre-ville de Trois-Rivières. C'est ça, mais moi, j'aimerais ça qu'on m'explique. C'est-tu un manoir ou un boucher? C'est un manoir, chérie. C'est donc, un pas manoir. De viande. Pas de viande. Non, il n'y a pas de viande. Et elle a été habitée par Joseph Claude Boucher-Niverville, qui a donné son nom, justement, là. OK? C'est ça, le boucher, là. OK. C'est le nom de la personne. C'est pas nommé en hommage au manoir, le chose de spaghetti que je suis. Non. Le manoir du spaghetti, en fait, c'est l'ancienne maison des Hart. OK. Ça devient mêlant, je trouve. Ça devient mêlant. C'est pas facile, l'histoire. Et en fait, ce qui est intéressant avec le manoir Boucher-Niverville, c'est que non seulement on peut visiter le manoir gratuitement, pas besoin de deux coupons. T'as pas besoin de deux coupons. Comme les spaghettis. Calvasse. Excuse-moi, je vais arrêter. Mitraille ce matin. On vous explique comment filer la laine. Oui, on fait ça, nous autres. On file la laine et les tapis de cire à 5 brins. 5, pas 4, 5. 5 brins. Multibrins, comme on dit. Multibrins. C'est meilleur pour la santé. Tout ce que je peux faire, autre que des chroniques maison éparpillées dans l'émission d'aujourd'hui, c'est présumer où est Jean-Philippe. Hein? Parce que je ne le sais pas. Je sais qu'il n'est pas là aujourd'hui et demain, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Donc moi, je dirais, on est le 11 septembre aujourd'hui, donc clairement, c'est la théorie du complot. J'en fais pas en train de préparer un deuxième 11 septembre. Moi, je vais perdre ma vie. Je sais pas pour vous autres. Une fêtée. Eh oui! C'est la fête de Véronique Mire. Bonne fête! Merci beaucoup! Ah, d'habitude, quand c'est la fête de quelqu'un en onde, on chante en équipe une chanson de bonne fête. Là, je me sentirais un petit peu plate. Là. Ben, je vais me l'imaginer. Bonne fête! Bonne fête! Ah! Bonne fête à Véronique. Hey, ça valait cher. Ben, ça. Voilà. Quelle chance j'ai. Voilà. J'essaie de ne pas violer de copyright en chantant pas la même mélodie que Happy Birthday. La langue dans ton oreille. Ah, en cœur, c'est comme un cœur de chat. Ah oui. Cœur de chat. M'a plus vu. Tu devrais enregistrer les covers oui. des meilleures chansons francophones version félin. Oui, féline. Version félin, féline, féline. Oui, version féline. Féline Dion. Hein? Mais c'est une chatte à la place. Puis elle se fait oui. la petite patte sur son petit cœur. Ah, comme ça s'entendait. La fameuse charte. Et on n'en parle pas en bien dans le sens qu'on flatte pas la charte. Flatte la charte. Eh bonne, celle-là. Eh bonne, merci, bonne. Tu prends note, parfait. Oh, je te dis que ça volait haut, les blagues de chat à la fin. De chatte? De chatte, oui, de encore chatte. Encore plus précisément. La chatte des droits et libertés. Hein. Ben oui. C'est ça. Et Féline Dion. Ça, c'était le titre de l'épisode de jeudi. En passant, c'était tellement marquant. Oui, solide. Féline Dion. Je te lève un pouce pour ça, Mathieu. Merci. Est-ce que tu m'enlèves un pour le tapis multibrin aussi? Non. C'était très drôle, ça. Non, non. Moi, non. C'est comme des all-brains, ça. Ouais. Paul Brin. On a ça, l'affaire. Ça fait les brins. Ça avait été là. Donc, merveilleuse semaine qu'on a passé ensemble à Assemblage requis, même si Jean-Philippe Charbonneau n'était pas là la moitié de la semaine. Puis moi non plus. Je suis pas allé. En effet, imaginez. Il y en aurait encore plus s'il avait été là tous les deux parce qu'on est vraiment le trio d'enfer, là, Steph, JP et moi. Ah ouais? Ben, je trouve, en tout cas. OK. Faites une bonne équipe. On devrait allumer l'été ensemble pendant 4 mois. Ça pourrait être une bonne idée. Environ, on pourrait appeler ça Assemblage requis à la plage. Comment ça, on n'y a pas pensé avant? On aurait dû. Ben, sinon, on aurait pu appeler ça les Palmarès 6 fois Assemblage requis Super Summer Show. Moi, je vote pour ça l'été prochain. Hein? L'été prochain. Moi, je pense qu'on devrait le faire même si tout le monde est contre nous autres. OK? Oui. OK. Et c'est voilà. Bon, c'est bon. Donc, pour un instant classique, c'est les meilleurs moments d'assemblage requis. Lundi au jeudi, 6h30 à 9h30, en direct à partir de 7h30. Ici même assez fou, 89.1 FM. Retrouvez les balados de fusion sur assemblagerequis.com. On dirait que je fais la pub au complet. Hein. Je vais prendre ma voix. Là. Ta voix de radio. Oui, bien sûr. On a assez perdu. Je sais pas. C'était quoi ça? C'était une voix d'animateur radio prétentieux sur une autre chaîne. Quelconque. Voilà.